Mais, entre-temps, les bergers sifflèrent, les chiens poussèrent des abois, les boucs et les baudets firent retentir leur sonnaille. Dans un nuage de poussière, le troupeau était reparti. L'émotion passée, tous les cœurs étant à la joie, et comme il fallait enfin déjeuner, on s'empressa de redescendre. L'eau courut plus vite que nous. Pas assez vite néanmoins pour mettre en branle la grand-roue, dont quelques godets s'emplissaient déjà, avant que l'œil investigateur du notaire n'eût aperçu, entre ses ais de bois verdi, sous la chevelure des mousses, 4 tonnelets, disposés symétriquement de façon à respecter l'équilibre. « Que signifie mettre si frein? A-t-on l'habitude, au moulin, de changer la grand-roue en cave ?»« Voilà, je me suis laissé dire que le bon vin gagnait à voyager par eau. Or, ceci est vin de baptême. Nous le boirons de compagnie le jour où je serai grand-père. Tenez, le voilà qui repart. Bonne chance, et d'ici à 9 mois. » Au train dont marche le moulin, j'ai calculé que dans 9 mois, mon vin aurait fait le tour du monde. 9 mois plus tard, presque jour pour jour, ainsi qu'il nous l'avait prédit, on dut retourner à Fontfrédière boire le vin du vieux Siffrein. Son vin se trouva délectable, comme s'il eût doublé le cap. Le dîner avait lieu à côté de la chute d'eau, dans l'herbe du pré, sous les saules. Ce furent des santés sans nombre.